Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc c'est toujours à Assemblage requis en ce mardi 18 février 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. On est avec Marie-Laurence Audet qui fait des culbutes dans le studio, des grandes roues et des pirouettes. Saltons et saltimbanques. Pirouettes, cacahuètes. Pirouettes, pirouettes, cacahuètes. Marie-Laurence qui est là aux deux semaines, mais que là on voit deux semaines de suite parce que t'avais manqué une chronique avant ça. Fait que on est comme là, on est vraiment comme primé, on est pompé, on veut t'avoir à chaque semaine finalement, tu sais. Ah. C'est comme ça, mais ça sera pas comme ça. On va se contenter de celle-ci. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, le loisir bien plus que je. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est toi qui faisais la cloche à vache? Non. Ah, agnon. Agnon. Agnon. De quoi on parle aujourd'hui, Marie-Laurence, dans ta chronique de loisirs, culture, tourisme? Oui, aujourd'hui, je vais parler d'adapter une programmation. Donc, je vais l'appliquer au festival pour les différentes générations. Donc, okay. Je vais tout de suite ou tu y allais en musique? Non, je comprends ça. Je comprends ça. On est dû pour une pause. On a fait que commencer déjà un petit break syndical. Oui. Ah ouais, une pause. Ah ouais, pas moi ça la musique. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Je t'ai mêlé dans le planning. Mais en fait, je voulais vous parler, comme je disais de ce matin, d'adapter une programmation pour différentes générations dans un événement, plus précisément dans un festival donc culturel. Parce que souvent, quand on parle de loisirs, on va tout penser au côté jeu, animation, plaisir, bonheur et tout. Mais on oublie des fois le côté plus utilité et accessibilité qu'il faut mettre en place pour que justement les gens vivent pleinement cette activité-là. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est souvent que on remarque que quelque chose va... Non, en fait, on remarque pas quand ça va bien. Mais on remarque quand ça va mal. Exactement. Okay. Par exemple, si tu vas dans un festival puis qu'il n'y a pas de toilette bleue, ouais, tu vas le remarquer. Tu vas t'en souvenir. Tu vas sûrement parler de ça tout le long du chemin du retour. Si son verre est daltonien... Il faut prévoir ces affaires-là, ça marche pas pendant. Mais si jamais il y a des salles de bain, si jamais il y a des cabines bleues, tu vas juste jamais le remarquer. Ouais. Puis quand on a besoin de les utiliser, c'est normal. Ça fait partie du décor. Exactement. Oui. Donc, tant que les gens ne remarquent pas le côté utilité, le côté mise en place pour que tout fonctionne bien, c'est que tu as réussi. Mm. S'ils remarquent, c'est qu'il y a eu quelques manques dans l'organisation. Aïe, aïe, aïe. C'est certain que je m'adresse ce matin peut-être à des organisateurs, mais tu n'es pas obligé d'être un organisateur... pour des festivals qui regroupent 10 000 personnes. Ça peut juste être aussi pour une mini-réception, pour une réception familiale. Tu sais, des fois, on pense à Noël ou autre, qu'il y a différentes générations qui sont concernées. Ouais. Ou peu importe. Ça, tu peux être bénévole pour un kiosque de C'est fou à un moment donné. Non, mais ma chronique s'adresse vraiment en tant qu'organisateur qu'on vise des publics de différentes générations, mais ça peut vraiment être à plusieurs échelles. Ça peut vraiment être dans plusieurs milieux. Donc, ça s'adresse à tout le monde ce matin. Puis souvent, c'est que si on parle plus précisément, par exemple, d'un festival, les gens vont vouloir viser une clientèle très large. Ils vont dire « Ah, nous, c'est les 7-77 ans. Nous, c'est pour des enfants jusqu'aux grands-parents. » Mais les gens n'ont pas tous les mêmes besoins pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Là, on reparle encore de toilettes, évidemment, les gens. On parle de toilettes tout le temps. C'est une chronique sur les cabines bleues. Oui, même besoin. Non, les gens n'ont pas tous les mêmes besoins, mais c'est surtout que les gens n'ont pas tous les mêmes besoins au même stade de leur vie. Donc, à un moment donné, ils sont plus en forme, là, ils ont plus besoin des escaliers, des bancs pour s'asseoir et autres. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est vous donner quelques idées pour améliorer ces différentes organisations-là, ces différentes programmations-là. Puis, l'important, dans le fond, c'est de comprendre les besoins puis les attentes. Puis là, moi, je me suis fixée comme objectif d'aller plus dans le milieu culturel parce que j'ai regardé les festivals. Puis là, il y avait différents sondages qui disaient c'est quoi que les gens aimaient comme festival selon leur groupe d'âge. Puis on a remarqué que, tout d'abord, les Québécois qui participent à des festivals, il y a à l'extérieur du Canada et à l'intérieur du Canada, parce que les gens, ils voyagent pas tout en même place. Les Québécois qui sont à l'extérieur du Canada... Les gens qui vont voir des événements, des festivals culturels à l'extérieur du Canada, on parle surtout des baby-boomers et des seniors. Ça, dans le fond, c'est les clientèles de 50-64 ans et 65 ans et plus. Donc, si vous vous adressez à des Québécois et vous êtes à l'extérieur du Québec, vous visez plus précisément cette clientèle-là qui a plus d'argent, qui a plus de temps, qui a plus les moyens de se déplacer pour une longue période. Les gens qui se déplacent à l'intérieur du Canada, là, on parle plus autant des baby-boomers parce qu'ils sont partout, parce qu'ils sont nombreux, mais on parle aussi beaucoup de la génération Y qui est les 25-34 ans. Donc, c'est une clientèle qui aime voyager, qui n'a pas nécessairement des engagements qui les obligent à rester à la maison à tous les jours. Ils n'ont pas nécessairement des enfants ou une maison, mais... Ben, ils peuvent avoir une maison quand même, là. Mais ils n'ont pas nécessairement des enfants ou autres qui fait qu'ils restent à proximité au local. Ils peuvent se permettre de voyager quand même à une certaine distance tout en restant à l'intérieur du pays parce qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens ou qu'ils n'ont pas autant de congés que les retraités. Et là, il y a un autre sondage qui suivait en disant des exemples types de festivals que les gens y aimaient aller, dans le fond. La génération Y qu'on parlait, là, qui est les 25-34 ans, je pense que vous en faites partie, vous autres. Je pense qu'on est pas mal là-dedans. Ah, ben, moi, c'est version pépère, mais ouais. T'as 34 ans? Non, j'ai 30, mais je suis pépère. Je sors pas. Ah, mais là, tu vas sortir parce qu'ils disent que vous allez sortir. OK, ben si le texte le dit. Votre astrologie, vous dites. Chance matérielle. Oui. Travail et sous. Travail et sous? Ça, c'est JP. Page 1. T'es-tu allé voir Yeezus? Non. C'était juste ta copine. Hein? T'es allé voir Kanye West hier? Yeah. Non, je suis pas allé. T'es pas allé, OK. Je pourrais être ça. Toi, il est pas sorti, il est pépère. Ouais. Pépère. Donc, la génération Y, je vous fais des quiz, là, OK? Vous allez me nommer des festivals que la génération Y aime, selon vous. Les 25-34 ans. 25-34 ans. Festival de Juliette. Je sais pas. Peut-être pas le festival de jazz, peut-être un petit peu plus âgé, ça. Les Franco. Les Francouvertes, ouais, les Francouvertes. Envoie les Macadam. Oui. Peut-être. Festival juste pour rire. Parfait. Probablement. Ça va bien? Ouais. À date, 3 sur 3, hein? Oui, quand même. Moi, j'en avais ciblé deux qui ressortaient vraiment plus du sondage, puis vous les avez nommés. Vous êtes vraiment bon. Vous êtes vraiment génération Y. C'est plus moi, mais je vais prendre le... Donc, il y a les Francofolies et cool. Le Juste pour rire. Moi, c'est ça que je voulais dire par franco, okay? Pas les Francouvertes. Non, il y a un, c'est vrai. Yes. Les Francofolies, c'est pas la même chose que les Francouvertes. Non. Vous avez chacun un point. Okay. Yeah. La partie n'est pas terminée. C'est que le début d'un jeu. Mais sérieusement, les 25-34 ans, les Francofolies, Festival Juste pour rire, c'est le genre de festival qui les accroche, qui les attire. Moi, ça m'accrocherait. Les Juste pour rire, j'ai toujours rêvé d'y aller. Il faut que j'y aille. Oui. Faut que tu y ailles au moins une fois dans ta vie. Sérieusement. Mathieu. Là. Il faut que tu y ailles. OK. On a-tu des passes assez fous, là? Non. Donc, vous pouvez gagner des passes. Mathieu vient de gagner le tirage. Aïe! Si on passe maintenant à la catégorie des baby-boomers, qui sont les 50-64 ans. On devine encore? Oui, on devine. C'est sûr que je dis jazz, là. OK. Festival de jazz? Oui. C'est plus difficile, cette question-là. Oui, attends, le... Festival d'été de Québec. Peut-être. C'est Éric Lapointe, d'après moi. Ouais, peut-être. J'essaie de trouver les gros festivals. Il me semble que ça se. T'as dit jazz? T'sais, mettons qu'ils sont à l'échelle provinciale parce que, tu mettons, le festival du blues à Trois-Rivières, ça compte pas là-dedans. T'sais. Ouais. Le festival de la musique classique. Je sais pas, je pense qu'on abandonne après. En fait, ceux que vous avez nommés sont plus dans la génération X. C'est la génération entre les deux, le festival de jazz et. C'est quoi l'autre que vous avez nommé? Festi Blues, ouais, non, c'est ça. Non, non, non. J'ai dit, attends un peu, je me rappelle déjà non, plus. Non plus. En tout cas, c'était ouais. L'autre génération, c'était entre les jeunes de 25-34 ans et les 50 ans. Parce que là, moi, je vais vous faire sortir, dans le fond, les trois générations qu'on a dit qui participaient le plus. Mais non, les 50-64 ans, les baby-boomers, sont beaucoup attirés par la fête de la Nouvelle-France. Et les festivals des films du monde. Okay. Donc, c'est vraiment le côté historique qu'ils vont chercher, soit qu'ils vont se rappeler... La guerre. Le Vietnam. J'ai dit la fête de la Nouvelle-France. Ah, le Vietnam. Mon erreur. Puis les festivals des films du monde, c'est souvent aussi une génération qui aime en apprendre sur les autres pays, qui n'ont pas nécessairement eu la chance de voyager étant plus jeune. Donc, par ces différentes activités culturelles-là, vont aller compléter leur savoir ou justement ont beaucoup lu, ont beaucoup regardé des images. Les films. Ils ont regardé les vues. Si on passe maintenant à la dernière catégorie, qui est les seniors, donc les 65 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils aiment comme festival? Quelque chose de mexicain, le C-Senior. Mais c'est un petit festival plus peut-être moins connu, en fait. Moins connu? Mais allez-y quand même dans vos propositions. Le festival de la musique de chambre. Oh, c'est beau, ça. Oui, merci. J'aime ça. Ouais, on sait qu'on va mettre tout l'argent là-dessus. All-in! All-in sous le noir. On a un extrait. Festival de la musique, musique de chambre. Ou, mettons, le festival Totalement Bach. T'sais, quelque chose de musique classique. Là. Totalement Bach, OK, oui, B-A-C-H. Ah, non, c'est pas un festival. J'étais pour dire l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais c'est pas un festival. Ça, non, mais j'aimerais ça quand même. C'est quand même pas si pire comme réponse. T'es vraiment pépère, hein, toi? Ouais. Mais celui qui a gagné la palme, c'est un festival que je connaissais même pas. Hein? Le Festival international de Lanaudière. Donc, on le salue. La Naudia, Yesterday's Ring. Ah oui? Les... Oh, la Naudia. Mathieu. Comment? C'était ma joke. L'affaire. Je m'en allais l'affaire. Oh, mort. Je suis tanné. Je détaille sur lui, je pense. Oui. C'est le bon genre de blague, pas la tienne. Fait que, ouais. Après, plutôt pas mes blagues. Hier, il était fiancé. C'était la Naudia. Oh, mais dans les descriptions, un peu comme tu le mentionnais tantôt, Jean-Philippe. Moi-même. C'est une clientèle qui aime beaucoup la musique classique. Donc ça, c'est vraiment ressorti. Mais le Festival international de Lanaudière, on le salue. On le salue. C'est les héroïnes. Oui. Ouais, c'est ça. Adélie, un peu. Oui, un petit peu. Le quiz est terminé. Oh, j'aimais ça. Écoute, on fera des quiz à toutes les semaines, OK? S'il te plaît. Pourquoi, dans le fond, on veut savoir ça? Pourquoi on veut savoir qu'est-ce que les gens préfèrent comme contenu et tout? C'est premièrement pour être capable d'adapter la programmation, de savoir, en tant qu'organisateur de l'événement, quel artiste aller chercher pour bien répondre aux attentes et aux besoins de la clientèle qu'on vise. C'est aussi pour la publicité, savoir aller capter notre auditoire. Il faut savoir comment faire la promotion et où aller la faire aussi. Si tu vises des jeunes et que tu choisis de passer par Facebook, tu n'utiliseras pas la même méthode si tu vas voir des gens de 65 ans et plus. Il y en a qui ont Facebook. Oh, oui, oui. Mais le point n'est pas ça. C'est peut-être que sur Facebook, il faut peut-être le porte-parole qui va avec l'événement. C'est peut-être genre Patrick Normand pour l'affaire personne âgée. Exactement. Le porte-parole, il faut que les gens se sentent interpellés, mais les gens de la bonne génération qui vont avec ton contenu d'artiste. Donc ça à prendre en considération. Et il y a aussi un élément que les gens oublient, un peu comme les toilettes bleues de tantôt, l'environnement qui est à adapter. Peut-être que si tu vises une clientèle plus âgée, il va falloir que tu prévois un lieu où est-ce que c'est plus petit, qu'il y a des bancs pour s'asseoir, tandis que si tu vises les 20 ans, il faut un gros lieu vaste pour tracher comme Montebello au Rockfest. Faire pipi partout, puis t'sais? Faire son territoire. Non, non, c'est un exemple. Oui, moi aussi. Je suis pas ça de faire ça à la maison. Toute ressemblance est totalement importante. Puis là, ils ont, dans le fond, il y a un spécialiste dans l'organisation d'événements qui a sorti 9 étapes à faire en préparation d'un événement, des éléments à penser puis à voir pour justement être sûr que sa programmation est adaptée. Donc, je vous les nomme et vous les explique. Tout d'abord, numéro 1, les changements qui sont prévus quand on veut d'une année à l'autre adapter l'événement, faut s'assurer dans le fond que premièrement, ça réponde toujours à la mission première qui était de notre festival, parce que si on s'en va dans toutes les directions, on n'est pas plus avancé. Mais il faut aussi, dans nos changements, savoir bien cibler qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève. Donc, ça, c'est la programmation dans n'importe quoi. Ça peut être la programmation dans une école secondaire ou de différentes activités qu'on offre. Si nous, on choisit en tant qu'intervenant que cette activité-là, on la fait plus, mais que c'était celui qui regroupait le plus de jeunes. Ou peut-être, au contraire, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui participaient, mais ceux qui y participaient participent à aucune autre activité pour savoir analyser la situation. Deuxièmement, il faut savoir échanger avec les employés et les bénévoles qui sont concernés dans l'événement. Savoir eux qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que ça se peut que s'ils sont pas d'accord, ils décident de quitter. Et que là, tu te ramasses plus mal pris que d'autres choses, parce que pour des détails qui, eux, se sentent plus respectés et ne respectent plus la raison pour laquelle ils travaillaient pour l'organisation. Mm-hmm. Ensuite, numéro 3, ce serait d'obtenir, ils disent, le OK, la permission du CA. Des fois, on voit ça un peu comme une lourdeur. On se dit, ah, faut encore passer en instance, qui va chialer. Non! C'est souvent, eux, ils ont un regard plus critique parce qu'ils connaissent d'autres aspects de l'événement. Ils connaissent peut-être plus le budget, ils connaissent peut-être plus... Ils sont plusieurs têtes à penser, mais extérieurs au raisonnement que tu peux avoir eu. Voilà. La quatrième étape, c'est d'identifier le public cible puis de connaître ses attentes, un peu comme je vous mentionne depuis tantôt, qui est différent selon les âges qu'on vise. Numéro 5, c'est analyser les succès et les insuccès passés. Si on en est dans les premières années de l'événement, on peut se fier des fois à d'autres événements qui y ressemblent, d'autres événements dans la région... Faut s'informer, faut éviter de refaire les mêmes erreurs. Des fois, on se dit qu'on va réinventer la roue, mais ça sert à rien de frapper le même mur que l'autre il a frappé il y a 10 ans. Continuer d'évoluer à la place de perdre ton temps à refaire les mêmes erreurs. Et arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. J'en ai frappé. Oui. Un peu ma chance à tourner. C'est pas de copier les autres, c'est de s'en inspirer. C'est de s'en inspirer, tant mieux si on peut faire mieux. Et après, eux, ils vont se réinspirer de ça pour améliorer. Tout le monde veut améliorer. Tu peux aller dans la même direction pour s'améliorer, dans le fond. Puis si tu essaies de les copier, ça risque pas de fonctionner parce que le public va dire « Il était là avant toi, t'es a copié, t'es le gros méchant. » C'est ça. Fait que, copier-coller, refuser. Numéro 6, c'est mesurer les ressources qui sont existantes et les ressources aussi que tu vas avoir besoin. Parce que souvent, on en a plusieurs en place ou on a des contacts qu'ils ont. Puis on oublie de penser à ceux qu'on pourrait avoir besoin mais qu'on n'a pas, qui vont prendre une grosse partie du temps de l'organisation. Numéro 7, je me sentais police quand je l'ai vu. C'est de dresser le portrait robot. Tu sentais rugueuse. Police. Police! Oh! Merci. Back-up. Merci. Back-up. Trop proche de la cible, Béra. Donc, c'est de dresser le portrait robot du client type qu'on vise. On se dit, ben oui, mais il y a personne qui va ressembler totalement à ça. Mais si on est capable de dire que le client type ressemble à ça, les gens autour, ils vont avoir plusieurs caractéristiques en commun. Donc, Faut pas courir deux lièvres à la fois, comme ils disent. Avez-vous vu cet homme? Non. Portrait robot. Ouais. Il était au festival. Il était au festival. Je suis un robot. Numéro 8, c'est faire de la veille stratégique pour savoir positionner son événement. De la veille stratégique, dans le fond, c'est justement de rester à l'affût de toutes les nouvelles tendances, de voir ce qui se fait autour, soit à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de la province ou à l'international encore. Des fois, on peut s'en inspirer un peu comme tu le mentionnais tantôt, Mathieu. Et le numéro 9, le dernier, mais non le moindre, qui est de maîtriser le temps. Donc, Le maître du temps, c'est Fort Boyard. Eux, comme elle définissait, c'est de dire qu'il faut savoir anticiper sans se précipiter. Il faut savoir prendre le bon timing, il faut savoir le bon cue, parce que peut-être que tu as l'idée du siècle, mais que ce n'est pas le temps cette année, à cause de la température, à cause des événements qui se passent autour, à cause de l'actualité, peu importe. Il faut savoir garder le timing. Pas se précipiter et après penser. C'est l'inverse. Faut penser et après se précipiter. Ça prend quelqu'un qui te cogne dans la porte tout le temps en disant « T'as encore du temps! Vas-y, t'as du temps! » La clé est au fond. Vite, vite, non, t'as plus de temps. Fait que là, je sais que je vous ai donné vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Je vais vous faire un espèce de wrap-up de l'information que je vais vous donner parce que vous venez peut-être d'arriver en onde. Ou tu vas faire comme JP dirait, un recap ou un récapitulatif? Récapitulatif. Dans le fond, des éléments clés à se souvenir par rapport quand on veut adapter une programmation, adapter un contenu pour un événement à différentes clientèles. Donc, comme je disais tout à l'heure, la clientèle connaît bien ses besoins et ses attentes. Savoir qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde d'une année à l'autre, d'une édition à l'autre. Savoir prendre les conseils de ses partenaires, dans le fond, des différentes organisations qui travaillent avec nous, des différents employés, des différents bénévoles. De maîtriser son image, l'image qu'on veut projeter. Parce que, comme je disais tantôt, si on court plusieurs lèvres à la fois, on risque d'en avoir aucun. On n'aura pas de souper. Il faut savoir faire un lien entre la programmation et la promotion, savoir aller utiliser les bons médias, les bons outils, la bonne façon, le bon langage pour aller chercher notre clientèle. Il faut savoir aussi toujours se rappeler c'est quoi le rôle de notre événement et notre mission. Puis il faut savoir aussi élargir notre façon d'aller recruter autant du niveau des artistes que du niveau des bénévoles que des employés. Donc si je peux permettre une petite conclusion, c'est vraiment que là je vous ai parlé des événements dans le culturel, mais ça peut s'appliquer dans tout et même peut-être pas dans le quotidien. Ben, on sait pas, peut-être. Tu sais, quand t'organises le souper, là, en tant que mère de famille, là, faut que tu regardes, c'est quoi, les allergies de tes enfants, puis qu'est-ce qu'ils aiment manger. Non, mais c'est, sérieusement... Il n'y a pas toujours une pinotte au-dessus du gâteau, comme dans l'annonce, là. Pinotte free. Pinotte free, ouais, les affaires sans pinotte. Ouais. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. OK. Désolé. Je m'en reprendrai plus tard. Fait que c'est vraiment de savoir être à l'écoute, puis de pas juste s'écouter nous-mêmes, mais de vraiment prendre le pouls autour de nous pour savoir adapter les différentes programmations à toutes les générations. Wow! Voilà. C'est beau. Et vous avez maintenant la clé. Cling! T'as encore du temps! Ouch! Ça fait tellement mal. Tu frappes vraiment fort, mais pour qu'on l'entende, j'imagine que tu te sacrifies pour la cause. C'est comme mettre ta main dans la bouche du lion. Exactement. Alors, cogne fort, fort, fort, fort. Non, il va se faire mal. T'as encore du temps! Il va se faire mal, il va se faire. Je veux pas te mutiler, t'sais. Regarde ce que tu me fais. Ouais. Pour le métier. Une gale déjà faite. Bravo. Merci, Marie-Laurence Audet. Et merci à vous. À dans deux semaines. Exactement. Les mardis à 8h. Oui. Oui. On s'en va entendre, tu sais, on a parlé tantôt précédemment dans l'émission pour ceux qui étaient là de bar de chocolat carnaval. Oui. Au chocolat. Carnaval, caravane. C'est caravane, excuse-moi. Caravane, t'as bien raison. Fait que ma chanson carnaval marche moins un peu. Voici Mark Berube et Carnival. Tu trouvais que ça avait l'air d'une police de carnaval étudiant, là, tantôt. Oui. Elle a dit ça, par exemple. C'est moi qui ai dit ça tantôt. Je n'invente rien. Mais j'ai dit carnaval étudiant de 1920, par exemple. My band for hire, find a cancel. In a bank of songs, I'm on the ba-da-ba-da. Find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rags. Find some graffiti on my China place. Got a happy hammer for the refined taste. And now the schoolyard's clean. The basement's full of all the dandelions. The kids could pull, find some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. Got my Christmas faith. The angels shine on the lips of the freeway to the shadows of the carnival. The lights on the cheeks of your face, promises on the base of your teeth. Carnival lights on the cheeks of your face. Will you take what you will receive?

Au retour, on parle de Leucan et de la culture. À Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Et on est toujours très heureux d'être avec vous. Alexandra Carignan s'en vient tantôt avec le temps d'une culture. Mais avant ça, on a un invité spécial en studio, Jean-Philippe. Oui, mais vas-y, je laisse te présenter comme ça. Oh, okay. Élise Laurence qui est avec nous pour nous parler de Leucan, mais je laisse t'introduire comme ça en tant que... ancienne de la radio. Je m'introduis. Donc, Élise Laurence Pouzéguet, chargée de projet pour Leucan. Et je viens vous parler aujourd'hui du défi ski 12 heures Leucan. Qui a lieu le 8 mars prochain à la Vallée du Parc. Oui, on lance un défi aux gens, en fait, de faire un 12 heures de ski. Donc, du 11h à 23h. Ça a l'air facile comme ça de faire un 12 heures, mais... Je trouve! Un 12 minutes, c'est un défi pour moi. Dépendamment de qui on parle. Oui. Mais donc, voilà, c'est un, à défaut d'une heure, d'une descente par heure. Minimum, donc, dans le fond. Minimum. Les gens peuvent en faire tant qu'ils veulent, mais ils doivent faire une descente par heure. Et pour les plus petits, le troisième âge. Fait que Mathieu, peut-être que tu peux rentrer dans une de ces catégories-là. Oui, c'est cool. Il y a du 6 heures qui est proposé aussi. Oui. Moi, j'ai déjà fait une fois, mais c'était pas à la Vallée du Parc. Puis oui, c'est épuisant. Le 12 heures? Oui, 12 heures. La fin, les mollets. Les pauses sont à quel. Mais dans le fond, il y a des stratégies. Tu peux opter la stratégie de faire une descente à moins une, et après ça, ben, tu descends, tu remontes, et puis après ça, ça te laisse un moment. Okay. Dans le fond, presque 2 heures, Jean-Philippe, pas vraiment. Oui, j'ai étudié le cas au complet. Donc, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Dans le fond, tout le monde peut participer. Là. C'est autant familial. C'est très familial. Comme je le disais, les plus petits, de toute façon, ont un défi de 6 heures, donc c'est quand même accessible pour eux. Et c'est la période d'inscription présentement. Les gens doivent s'assembler des équipes de 4. Okay. Ont un minimum de 500 $ à ramasser, parce qu'il faut dire que c'est une collecte de fonds naturellement pour les enfants atteints de cancer. Donc, 500 $, je vous dirais que c'est extrêmement facile à amasser. Ça revient à 125 par personne. En exemple, mon conjoint est allé envoyer un petit courriel et ça à fait un petit 300 $ en après-midi. Là, fait que ça va vraiment bien de ce côté-là. Ça se fait bien, là, autant pour les étudiants que pour les non-étudiants là, qui pourraient nous écouter. Puis c'est vraiment le fun. Hein? Je pense que c'est une belle journée pour tout le monde. C'est le fun de skier pour une cause. C'est le fun de skier, point. Ben, c'est extrêmement festif. Puis en plus, franchement, ça revient pas cher la journée parce qu'on vous paye dans un sens. Ben, la station Vallée du Parc offre la journée de ski. Le dîner est fourni. Plus toutes les collations des possibles. Collations inimaginables, rabais sur le souper, puis il y a des prix de chez Brunel, de Chlorophylle, fait que franchement, avec toute l'animation, le DJ, ça revient une journée pas pire. Quand même. Mais puis ça, dans le fond, le défi ski, ça rentre dans dans un cadre de plusieurs activités là, que Leucan peut organiser. Leucan, si on peut en parler pour ceux qui peut-être connaîtraient pas ça, on peut peut-être les enligner un petit peu. Leucan, c'est une organisation qui a eu 35 ans l'an passé, qui vient en aide aux familles et aux enfants atteints de cancer. Donc, tous ceux qui ont en bas de 18 ans, c'est différents types d'aide, donc vraiment au niveau socio-récréatif. Mais nous, on prend les enfants dès l'annonce du diagnostic. Donc, on a des agents qui sont directement dans les hôpitaux. On parle de Sainte-Justine, on parle de Centre Mère-Enfant à Québec. On en a 4, Sherbrooke et l'Outaouais. Et c'est ça, on leur fait des suivis, on les aide dans leur information par rapport au cancer parce que c'est des bébites que les familles ne connaissent pas du tout. Mm-hmm. On leur offre des bourses juste parce que quand tu apprends que ton enfant est malade, ta vie s'arrête et tu manques souvent ton emploi. Ça veut dire des chambres d'hôtel, ça veut dire des restos à Montréal que tu n'avais pas prévu. Fait qu'il y a des bourses en ce sens-là. Il y a différents services qui sont offerts par le camp. Puis effectivement, moi, mon travail, en fait, c'est d'organiser le côté un petit peu plus festif. Donc, toutes les collègues de fond. Il y a le défi tête rasée qui est connu à peu près par tout le monde, qui a été fait ici à l'UQTR oui. il y a quelques semaines, qui a été très, très, très apprécié. On a des différents défis là, à travers la province parce qu'il faut dire aussi qu'on a 7 bureaux régionaux. Donc, on couvre vraiment toute la province pour que l'enfant atteint du cancer en Abitibi ait le même service que celui à Montréal, centre-ville. Oui. Puis, le camp en tant que tel, ça fait 35 ans, mais en Mauricie, est-ce que c'est ça fait 35 ans aussi que le camp est établi là? C'est une bonne nouvelle. Non! Tu parles à une fille qui est arrivée en octobre, oui. quand même! Mais non, le camp Mauricie, si je ne m'abuse, ça fait 10 ans. Okay. Excusez-moi, mes collègues, si vous m'écoutez. Non. Ils vont tous te pardonner, j'ai tellement mal. Je suis allé avec une colle comme ça ce matin. T'es de même, toi. Oui. On s'attend pas à ça, c'est fou, mais on est de même. Mais on est de même, c'est vrai, des bonnes questions. Oui, est-ce que... Ah non, mais je voulais dire que ceux qui ont la possibilité en ce moment de voyager dans le temps, oui, retourner en 2005 écouter Dans ta face avec Élise Lamarre. Oh. C'était bon, cette émission. C'est juste une insight que je voulais faire. Merci, Mathieu. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Donc, là, c'est un peu plus pour le défi ski qu'on est là pour en jaser. Moi, ça se dit. Hein, ça. Pas vraiment, mais on comprend où tu t'en allais. Merci, Mathieu. Pour s'inscrire, dans le fond, comment ça marche? Est-ce qu'il faut aller vous voir? Est-ce que c'est par Internet, téléphone? On est maintenant moderne. Oui. On est maintenant moderne. Donc, on a un site Internet qui est très convivial, ledefiski.com. Tout est là. Vous pouvez bien sûr m'appeler. Mes coordonnées sont sur la page de la Mauricie aussi, à Vallée du Parc. C'est vraiment facile de monter les équipes. Il y a un concours chlorophylle qui est en vigueur où les gens qui s'inscrivent avant lundi prochain peuvent recevoir donc 200 $ chaque chez Chlorophylle, à raison donc de 800 $ vu que c'est des équipes de 4. Fait que ça vaut la peine de se dépêcher un petit peu pour s'inscrire avant lundi prochain. Donc jusqu'au 24 février pour s'inscrire pour gagner 200 $. C'est quand même beaucoup. C'est génial, ben oui. Oui, c'est énorme. Et il faut dire que vous pouvez vous inscrire jusqu'au matin 8 mars, vous arrivez avec vos skis, vous êtes accepté tant que vous avez la mise minimale de 500 $. Ouais. Exact. Et puis, pour ceux qui peut-être ne feraient pas de ski, est-ce que vous êtes à la recherche de peut-être bénévoles, de gens sur place qui pourraient donner un petit coup de main la journée même? Côté bénévole, je vous dirais que les gens sont très généreux. Les gens sont attachés à le camp, puis reviennent. Quand on fait une activité avec le camp, habituellement, on revient. Donc, ça va plutôt bien. On n'a jamais trop d'appui, par contre. Donc, ça va être une journée qui est hyper festive. Comme je disais, il y a des activités de cardio qui vont être organisées par Cardio Plein Air. Il y a des DJ, il va y avoir des animations Wix avec Québec en forme. Et les gens qui veulent venir bouger vont être les bienvenus aussi. C'est important de souligner qu'on a plein d'autres campagnes. Les défis tête rasée s'en viennent, donc il va y avoir amplement la place pour contribuer si vous voulez nous aider. Donc j'imagine, encore une fois, toutes les informations sont sur Internet Le Camp Mauricie. Lecamp.qc.ca, sachez qu'il y a ça. Oui. Sachez qu'il y a ça. Lecamp.qc.ca. Point.qc.ca. Oui. Merci Mathieu. Évidemment, la branche mauricienne où on retrouve Élise Laurence Poséguier à son bureau en train d'être. Si bonne, d'être heureuse de ramasser de l'argent pour les enfants atteints de cancer. Elle fait bien ça. Oui, oui. J'en suis certain. Merci, Élise. Donc, c'est le 8 mars 2014 pour le défi ski. Et on peut s'inscrire jusqu'au 8 mars, mais faites vite. Voilà. dans quelques instants, Alexandra Carignan. Mais pour l'instant, voici 3 jours en hiver. Je me suis dit, tu sais, l'hiver, ça a du sens. Toujours 3 jours en hiver, c'est ça. Ouais. Chaque seconde, car décembre est long, presque insupportable, depuis que tu n'y es plus. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai ici. Le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout, et je pense à rien, et ça me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra, je m'en irai loin de cette ville malade, car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra, là-bas les lumières ne brillent que pour toi. Là-bas j'en rêve depuis longtemps. C'est vrai, on venait après ça. Donc, on vient d'entendre, évidemment, Auguste et Trois jours en hiver, qui allait avec Le Camp, qu'on vient d'entendre justement, pour rappeler le défi Le Camp qui a eu le 8 mars. 8 mars à la Vallée du Parc. Yes. On accueille Alexandra Carignan sans perdre plus de temps. Voici le temps d'une culture. Drop the bass! Drop the bass! Alexandra Carignan, bonjour! Bonjour! Hey, ça va? Ça va bien. Ça, oui, ouais. Ça, on t'a remis un petit peu plus tard, donc t'as, ah, oui, mais t'as pas moins de temps, prends le temps que tu veux. Ben non, mais de toute manière, cette semaine, ça c'est slow mollo. Slow mollo? C'est slow mollo. C'est slow mollo. C'est yellow mollo. Mais oui, pour faire une référence à ce magnifique groupe des années 90. Ah, c'est pas la liqueur qui était l'alternative à Mountain Dew, le yellow mollo? C'est vrai? Non. Ça existait, ça. Ça existait. Pour de vrai? Ça existait. Wow! Je fais plein de références de bord de chocolat et de liqueur qui n'existent plus. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Rêve de nostalgie. Rêve de nostalgie. Nous allons parler de culture cette semaine. Il y en a quand même beaucoup, mais correct. Dans le fond, ça dépend ce que vous aimez. C'est ça l'affaire. Il y en a pour qui il n'y aurait absolument rien là-dedans, vraiment. Pour ceux qui aiment tout, il y a des choses. Okay. Pour ceux qui sont plus sélectifs, ben c'est ça. Vous êtes sélectif, faites avec. Alors, premièrement, en fait, on va faire un retour. En fait, cette semaine, c'est la Coupe de Trois-Rivières, la Coupe 3R, entre les trois ligues d'improvisation, trois principales ligues d'improvisation, soit la Luître, la Lime et les Anciens Combattants. Ça débutait hier et ça se termine mercredi. Bon, déjà, faut quand même dire... ça se passait à la Luître hier à 19h30, oui. Où est-ce que la Luître affrontait en première période la Lime et en deuxième période les anciens combattants. Évidemment, la Luître a fait plus de points parce qu'elle est chez elle. Donc, il faut garder en tête aussi qu'elle a fait aussi deux matchs. Donc, c'est sûr qu'elle a fait plus de points que les autres parce qu'elle a joué deux fois plus d'impro. Mais quand même, la Luître a sorti victorieuse de ces deux matchs. Avec la Lime, elle a remporté 4-3. Donc, la dernière improvisation a été celle qui a déterminé qui gagnait. Et la Luître a quand même très bien joué. On a eu des bons flashs, là. La première période était vraiment bonne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de la Lime qui jouait, la plupart soit font partie de la Luître ou sont bénévoles. Ouais. Donc, il y a un grand flou entre les deux. Disons que c'est comme une zone grise. Un tout séparé. C'est ça, une zone grise, exact. C'est un tout séparé, mais il y a quand même. Hein, c'est quand on est pour une équipe, on n'est pas pour l'autre. Exact. Mais c'est les équipes toutes étoiles hier. All-Stars, des deux côtés, la Luître, la Lime. Des deux côtés. Et la Luître a commencé là, en bing bam boum boum parce que, écoutez, leur capitaine, c'était nul autre que Jonathan Côté. On avait Élodie Mongrain, la capitaine des Bleus. On avait Philippe Grenier, le puncher des Rouges, Jean-François Latour, l'autre puncher des Rouges, et aussi Charles Doucet, qui est le puncher des Bleus. Donc, on avait là une équipe qui n'avait aucune faiblesse, qui était très puncheuse, parfaite pour le public de la Luître. Parce que la Luître, si on se remet en contexte, c'est des improvisations de 2 minutes et demie. Ça, ce que la Lime a eu de la misère à faire hier. T'as pas besoin de construire une histoire. C'est ça, en fait, faut pas que tu prennes le temps parce que sinon, ton improvisation est flat. La Lime s'est rendue du gros théâtre, donc de revenir au format... C'est pas tant du gros théâtre, mais presque. C'est que nous, nos courtes... Moi, la première improvisation comparée hier qu'on a faite, là, on l'a mangé d'un bain. Parce que nos courtes sont 3 minutes à 4 minutes. C'est ça. Le plus petit, c'est 3 minutes. Et de toute manière, à la Lime, c'est... les plus longues, quasiment 3 minutes. C'est ça. Ben, en fait, à la Luître, 3 minutes, c'est beaucoup. 4 minutes, là, ouh là là là là. Ça devient annoncé lourd. Oui, en fait, l'avantage qu'on a à la Lime, c'est que le maître de jeu termine quand l'improvisation... Il y a un moment naturel, c'est ça. C'est pas provoqué, il n'y a pas une sonnette qui sonne à 4 minutes c'est juste. Ça, c'est comme, ah, en deux phrases. Ah, puis des fois, en fait, l'improvisation, ça peut être une moyenne, puis finalement, elle fait 4 minutes, mais le maître de jeu a dit, ça se termine là, c'est beau. À la Luître, que t'as fini ta phrase ou non. En fait, des fois, l'arbitre va étirer de 3 secondes pour que tu finisses ta phrase, mais... Tu finis pas ton déroulement, c'est ça. Alors, c'est quand même différent. La Luître était en terrain connu et elle s'en est excessivement bien sortie. La Lime, justement, a eu de la misère à démarrer, mais c'est ça le problème. Hein? Quand on est prêt à démarrer comme il faut, la période est finie. C'est fini. Parce que c'est juste cette impro. C'est ça. Des fois, la Lime, une impro peut commencer par un long silence et un regard introspectif de la personne sur la scène. On est quand même capable de faire des gags. Faut quand même le dire. Là, souvent, on fait « Ah, oh, la Lime, c'était théâtral. » Non, non, on parle de pète pareil. Ah, je dis ça, mais c'est vrai que je t'ai vu, puis les blagues sont des fois faciles. Dans ce c'est juste qu'on a un problème de gauger le temps. Là. Mais écoute, ça se passera plus parce que bon, ce soir, c'est à la Lime. Alors, deuxième période, hier soir, c'était contre les anciens combattants. Ces derniers en ont mangé totune. Oh. Mais j'ai une question par rapport aux anciens combattants, justement. Est-ce qu'ils font des matchs réguliers? On entend moins parler un petit peu des anciens combattants. Est-ce qu'ils ont des matchs à chaque semaine, chaque mois? C'est jamais? Non. C'est juste pendant la Coupe? C'est quoi? Pendant la première année de la Coupe Trois-Rivières, ils avaient un match par mois ou deux mois. Ou est-ce qu'ils invitaient des équipes de l'extérieur ou, tu sais, justement, faisaient des petits spectacles. Mais à partir de la deuxième année, ça s'est fait de moins en moins. Et à partir de la troisième année, ça s'est plus fait. Plus du tout. Alors maintenant, le seul temps où est-ce que les anciens combattants jouent, c'est à la Coupe Trois-Rivières. C'est à cause des traumatismes post-guerre, là, des anciens combattants, l'armée, tout ça, c'est bien difficile. Ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Ils sortent pas souvent. Mais les anciens combattants, hier, à la Luître, faut le dire. Okay, parce que les anciens combattants, c'est qui? Tout le monde fait, c'est qui les anciens combattants? Wow, les anciens combattants, là... Comme des questions, le gars, arrête. C'est les piliers. En fait, c'est une question, c'est correct, c'est une bonne question. Qui sont les anciens combattants? Mais ne me dis pas ça avec un air dédaigneux. Parce que les anciens combattants, c'est en fait, là... C'est les parents de l'impro Trois-Rivières. C'est eux qui, non seulement, ont... Écoute, là, on a un fondateur de la Lime, de la Ligue d'improvisation mauricienne, là, qui est dans les anciens combattants. Wow. Oh, minute, là. C'est pas des personnes âgées non plus, nécessairement. Là, non. Tu sais? Non. En fondateur fait, de la Lime, là, ils n'ont pas bâti l'Amérique. Non. C'est pas des gens qui ont des prothèses non plus, Mathieu. Arrête. Ils n'ont pas de prothèses non plus. Les anciens combattants, en fait, ce sont des joueurs, des anciens joueurs de la Lime, majoritairement, qui ont laissé la place aux jeunes, là, qui sont tous fin trentaine, début quarantaine, si c'est pas cinquantaine. Qui n'ont peut-être plus le temps non plus de s'investir autant dans la Lime. C'est ça, qui n'ont plus le temps non plus. Ils ont tous des enfants. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, tu fais des choix. Et ces derniers, ne voulant pas terminer l'impro, ont décidé de fonder l'équipe et non pas la ligue, les anciens combattants. C'est pas une ligue, mais bon, c'est une question qu'on se pose à chaque année. C'est des indépendants. C'est des indépendants, c'est sûr que c'est ça. C'est pas une ligue, donc c'est pas la bataille entre les trois ligues, mais leur jeu vaut leur place à la Coupe Trois-Rivières. C'est sûr que hier, c'était pas leur... C'était pas leur environnement. Donc, tu sais, quand il a été à la manière d'un auteur choisi, la huître, il a été pour celui qui a fait les Lucky Luke, et la lime, il a été pour Fedo. Je veux dire... ouais, deux registres. Ils ont excessivement bien fait Fedo, mais le trois quarts de la salle ne savent pas c'est quoi Fedo. Faut que tu joues à ton public aussi, c'est ça l'affaire. Jean-René Boutin de la huître m'a dit après, c'était-tu ça Fedo? J'ai fait, ben oui, c'était ça Fedo, ils l'ont bien fait. Mais c'est ça, c'est ça. Faut miser sur... Ils ont quand même gagné cette improvisation-là, parce que, outre le fait qu'on connaît pas Fedo, c'était bien joué. Puis la huître l'a un peu échappé aussi. Ah. C'est ça l'affaire. Mais quand même, les anciens combattants ont eu 2 points sur la huître en 5. pour le jour 1 là, de la Coupe Trois-Rivières, on a anciens combattants avec 2 points, la lime avec 3 points et la huître avec 9. Mais c'est comme je vous l'ai mentionné. Écrasante victoire. Ouais. Mais comme ce soir... C'est ça. Comme je vous l'ai mentionné, c'est pas écrasante parce que la huître a fait le double de match. C'est ça, oui. Encore une fois, faut se le remettre dans la tête. C'était pas nécessairement juste le premier soir qui compte. Oui, parce que tu sais, la lime s'est pas faite écraser par la huître. Ouais. Le point, c'était... le point qui s'est donné à la dernière improvisation décidait des gagnants. Ouais. Les anciens combattants se sont fait écraser par la huître, mais ils ont été rudes un petit peu. Puis sûrement que ça leur a refroidi le public. Puis il fallait qu'ils soient vraiment, vraiment bons pour qu'on veuille voter pour eux. Parce qu'on trouvait qu'ils étaient rudes. Ce soir, ça va changer quand même parce que c'est à la Lime, donc 20h à la Maison de la Culture. C'est la Lime qui reçoit en première partie la huître et en deuxième partie les anciens combattants. Les anciens combattants vont sûrement être plus à l'aise parce qu'il y en a certains qui ont joué dans le décorum de la Lime, dont Simon Potvin, qui est un joueur de la Lime actif, et Luc Mascotte. Luc Mascotte! Et voilà! Luc Mascotte! Mais tu étais prêt, là! Et oui, j'attendais! C'était un running gag la semaine passée, pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, c'est ça, vous écoutez ça, mais est-ce que tu crois que c'est un avantage de jouer en deuxième 2 fois de suite pour les anciens combattants ont joué en deuxième hier et deuxième ce soir? Je pense, non. Non. Non, on va se non, dire. Non, non, c'est pas. Ils ont-tu gagné hier? Non. Non, bon. Non, non. Non, c'est pas un avantage parce que le match s'est fait pareil. Au pire, c'est un. Non. C'est pas une meilleure réponse. Ça peut être un désavantage parce que peut-être que l'équipe de la Lime va être. Plus rodée. En même temps, peut-être que là, ils vont être réchauffés. Je sais pas. Je pense pas que ça joue vraiment là-dedans. Puis en fait, on y va beaucoup plus avec l'horaire. Donc hier, c'était la huître. La lime a commencé parce que la lime, c'est mardi. Les anciens combattants, c'est mercredi. Ouais. Donc c'est à eux de pas se mettre le mercredi. C'est tout. C'est leur faute. C'est de leur faute. Mais bon, ce soir, ça se fait à la lime. Ça va être différent. Peut-être que la huître va être désarçonnée. S'il y a des joueurs de la huître qui m'écoutent, soyez prêts. Votre faiblesse va peut-être être de faire les improvisations trop vite. Parce que nous, notre erreur hier, c'était de les faire trop lentement. Ça se peut que ça soit de les faire trop vite. Parfait. C'est émouvant, je sais. Ça va, c'est émouvant la Coupe Trois-Rivières. Mais quand même, il faut mentionner que sur l'équipe de ce soir à la Lime, en fait de la huître, il y a Élodie Mongrain et Jean-René Cocotte-Boutin qui font partie de la Lime, mais qui sont dans l'équipe de la huître. Donc eux vont peut-être plus être en terrain connu. Il va juste falloir qu'ils adaptent les autres joueurs. Et finalement, en fait, ça va se terminer mercredi au Zénob. 5$ à l'entrée. Et ça va être les anciens combattants contre la huître et ensuite la Lime. Donc, c'est quand même intéressant de voir tout ça. Comme je l'ai mentionné hier à l'émission, puisque j'y étais pour la chronique de la huître, c'est intéressant de venir les trois soirs pour voir l'évolution de tout. Et ça doit être épuisant aussi pour les joueurs, donc vraiment voir comment ils vont être morts, raides le mercredi. Oui, mais quand même, on s'alterne les équipes. Ouais. Moi, j'ai joué hier, mais je ne joue plus de la semaine. Okay. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a des joueurs là, qui stagnent. On a des équipes pour chaque soir. Mais c'est quand même super intéressant de venir. Et j'avais une idée que tu me l'as fait faire. Ouais, je m'excuse donc. Bravo, Mathieu. Ben oui, bravo. Félicitations. C'est super intéressant. Bravo. Vraiment, là. C'est remplir le temps. Hein? Ouais. C'est intéressant de venir. Je m'en rappelle plus. En tout cas, venez donc. C'est le fun. Puis, puis c'est ça. T'allais-tu parler de la semaine prochaine? Les scabs? Oui. Oui, c'est ça. Ah! C'était pas ça pour la toute, mais c'est ça. Oui, merci. En fait, les gagnants de la Coupe Trois-Rivières, il ne faut pas oublier qu'ils vont revenir. En fait, ils vont affronter les Scabs jeudi prochain. Ah oui, j'ai eu justement, parce que, bon, il y a plein de vidéos qui circulent sur Facebook, parce qu'on saillit la face sur Facebook. Là. La Coupe Trois-Rivières, on l'incarne sur Facebook, sur le net. Mais il faut savoir qu'on ne la vit pas sur le jeu. Hier, il y a un joueur de la Luitre qui est venu nous voir, puis il fait vous n'avez pas été très agressif. Mais non, on n'est pas agressif. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. J'ai vu Facebook, fait que j'étais arrivé craqué. C'est Philippe Grenier et PC Falardeau, je crois, qui sont ensemble dans la petite vidéo qui circule en mais ce moment. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, faut pas. Nous autres, on n'est pas agressif. On est agressif sur Facebook pour le jeu, mais sur la scène, on l'est pas. Et c'est ça, en fait, là, à part les anciens combattants, on s'aime tous. L'ancien combattant était très rude hier. Mais rude, bon. Rude, je veux ça, tu dis rude deux, trois fois dans ta chronique, puis on sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si rude que ça, la rudesse? En fait, la rudesse en improvisation, c'est souvent de couper l'autre personne, de pas l'amener, d'arrêter son idée, de lui refuser tout le temps les propositions. C'est anti-improvisation pas mal, ça, de faire ça, de détruire une histoire qui est créée par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Tu devrais savoir, étant donné qu'ils sont fondateurs de la Lime, mettons, certains d'entre eux. Oui, mais en même temps, quand c'est ça, t'as la tête enflée, là, qui sort avec ça. Ah, hein, t'es un ancien combattant, t'es bon. Simon Potvin, ah, donne des noms, hein. Je donne des noms, hein, non. En plus? C'est parce que Simon Potvin a reçu une rudesse hier. Mais c'est ça. Lui, il a reçu une pénalité de rudesse. Mais trêve de bavarderie, je vous le dis, venez à la Coupe Trois-Rivières. Donc ce soir, c'est à 20h à la salle Louis-Philippe Boisson de la Maison de la Culture. 5$ étudiants, 6,50$ pour les adultes. Et ça se termine mercredi. Donc pour voir qui de la Lime, de la Luitre ou des anciens combattants est la meilleure ligue à Trois-Rivières. Mystère. Et pour ceux qui n'aiment pas l'improvisation, vous avez réussi à toffer ma chronique. Eh bien, ce soir, vous pouvez aller voir les petites vues au Centre culturel Pauline Julien. C'est dans le cadre des nouveautés de l'ONF. En fait, c'est ce qui va clore les nouveautés de l'ONF à Trois-Rivières. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un best-of des courts-métrages qui ont été produits par l'ONF. Donc, c'est pour, en fait, l'anniversaire de l'ONF directement. Alors, on y présente là, vraiment des documentaires des années 80, 90 qui ont la plupart, sinon tous, été aux Oscars. Alors, c'est à 19h30 au Centre culturel Pauline Julien. Ça vaut la peine, c'est beau, puis c'est le fun. Alors, allez-y. Donc, les petites vues au Centre culturel Pauline Julien. Si vous êtes plus musique et que vous aimez le mystère, eh bien, il y a les premières soirées cachées C'est fou de la session d'hiver 2014 qui vont être ce jeudi dès 10h PM. Alors, on ne sait pas qui est le groupe. C'est ça le but des soirées cachées, en fait. C'est qu'on annonce qu'il va y avoir un spectacle et c'est seulement le jour même qu'on sait qu'est-ce que c'est. Mais bon, on sait, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est à la Chasse-Galerie. Alors là, on suppose, moi je suppose, là, je suppose que ce n'est pas une formule duo comme Kit Kuna. Je suppose que ce n'est pas une formule solo comme Fanny Bloom. Je suppose que c'est un groupe. Parce que pour aller à la Chasse-Galerie, ben en fait, ce pourquoi on l'a mis à la Chasse-Galerie, d'après moi, c'est parce que ça prend de la place. Ah. Alors moi, ce serait peut-être, je sais pas c'est qui. Là, tu veux vraiment t'aventurer dans des... Oui, quand même, dans des terrains obscurs. Non, mais en fait, moi, je... Dans les terrains obscurs, mais tu sais, en fait... puis, en fait, s'il y a un gros groupe, moi, j'irais peut-être plus pour peut-être un groupe rock. Tu sais, évidemment, c'est soirée cachée des fous, donc on n'a rien de pop, là. C'est sûr, c'est pas Jay-Z, c'est pas Kanye West. On n'aura pas Kanye West qui a fait son arrêt après son spectacle d'hier soir. Après le Centre Bell, la Chasse-Galerie. Mais bon, j'aurais peut-être une couple d'idées, mais je... Je sais pas si j'ai dit, tu sais. Fait que... Mais c'est pas grave, tu sais, c'est correct. Mais c'est ça. À part ce qu'on va y donner des indices, moi, j'en ai pas. Toi, non, peut-être. Mais peut-être, t'en as peut-être. Mais moi, en tout cas... Tu sais qui, Mathieu? Non. On a beaucoup jasé. Mais je sais pas si j'ai le droit de dire mes suppositions. Ah, oh, ben là, tu peux. Regarde sa permis. Face. Tout est permis. Regarde la face à JP. Okay. Moi, je vais fermer les yeux. Ben, ferme tes yeux, JP, OK? Ben, moi, je pense peut-être que ça va être Mono Grenade. OK. Mais oh, j'aimerais vraiment ça. C'est bon, c'était ça. Ouais. Ça serait bon. Ariel serait cool, je trouve. Ariel aussi, c'est vrai. C'est quoi, vous êtes arrivé au bureau? Tu avais une supposition avec Stéphanie, qui est rédactrice en chef. C'était Pendentif. Pendentif aussi. Parce que il y a eu beaucoup d'indices que JP a donné. Il a parlé qu'il revenait peut-être de France ou quelque chose comme ça pour le spectacle. C'est un indice de plus, mais tu sais, moi, je sais pas où nous. Peut-être que je vous enduis d'horreur. Tu nous enduis d'horreur comme tous les jours, moi. Je sais pas. Vous avez... Non, mais Clopelgag s'en va en France. Peut-être. Oh, Clopelgag serait pas pire. Hein? Hey, ça serait le. Ouais. Hey, j'ai une soirée en plus, cette soirée-là, là, si c'est Clopelgag, je vais dire. Hey, OK, bye. OK, bye. En tout cas, on prend vos demandes, cas, vos devinettes sur la page Facebook. Oui. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça va prendre. Ça va être quelque chose où est-ce que plusieurs personnes. Là. C'est pas une formule comme qu'on avait eue. Là. OK. C'est ma supposition. Vu que c'est la chasse-galerie. Ça a du sens. C'est ma supposition. Alors, soirée cachée, c'est fou. Ce jeudi, à la chasse-galerie, à 10h. Et soyez à l'affût durant la journée de jeudi pour savoir quel est le groupe. C'est vous sûr. Pouvez aussi vous présenter en ne sachant pas c'est quoi. vous mais avez bon, le droit, hein? On ne jugera pas. Non, pas du tout. Mais ça serait, c'est ça. On va l'annoncer, j'imagine, jeudi, quoi, matin, à Sondage Requis, j'imagine? Oui, je vais te parler de ça tantôt. Ben, j'imagine. Les petites confidences. Et sinon, pour les arts visuels, brièvement, en fait, on en a deux expositions. Premièrement, au Centre de diffusion presse-papier, on présente Uncanny Flux de l'artiste canadienne Heather Hudson, qui va mélanger, en fait, la sculpture avec l'estampe. Alors, cette exposition-là a verni. Elle a verni la semaine dernière et elle va être là jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, allez-y. Sinon, le Centre culturel Pauline Julien a verni aussi. Il a verni, en fait, il a verni le 23 février dernier. Mais en fait, on n'est pas le 23 février. Il va vernir là. Le 23 prochain, on est le 18? Eh oui, et on est le 23 dernier. En 2013, là. Il va vernir dimanche, d'ailleurs. Donc, vous pouvez aller vernir avec eux. Il y a du vin gratis dans ces affaires-là, d'habitude. Alors, c'est l'exposition de Yannick Nolin, Thébaïde, Solitude numérique. Alors, qu'on va avoir. Très intéressant. Photographie. Ça va être beau. Ça va être beau. Alors, Centre culturel Pauline Julien, dès dimanche. Sinon, théâtre, eh bien, Roméo et Juliette, par oui. Le théâtre des gens de la place. Ils ont joué la semaine dernière et ça se termine cette semaine. Donc, allez-y, ça va être le fun. Donc, jeudi, vendredi, samedi, les critiques sont mitigées, mais le commentaire que j'ai, tu sais, évidemment, aux nouvellistes, ils sont tout le temps mitigés. Bon. De toute manière, en fait, Roméo et Juliette, ce qu'on m'a dit, là, le commentaire récurrent, c'est intéressant à voir. Alors, parce que c'est comme un Bart Lutzman, le film avec Leonardo DiCaprio de Roméo et Juliette. Ah oui, ok, je vais pas nommer le réalisateur. Mais Roméo plus Juliette, le genre. Oui, Roméo plus Juliette, en fait, le film, c'est la même chose, c'est le texte original, mais dans un univers moderne. Okay. C'est la même chose qu'ils font, donc c'est pas avec des décors cheap, là, on est moderne. Là. Alors, très intéressant, avec des fusils et tout, là. Ouais. Alors, Roméo et Juliette, ça se trouve à se présenter à la Maison de la Culture, à la salle Anaïs Allard Rousseau. Et vous allez pouvoir le revoir, là, c'est comme vous voulez, là. Mais vous pouvez ne pas le manquer aussi le 20, le 21 et le 22. Si vous le manquez le 20, il y a le 21 puis le 22 pour se rattraper, c'est ça. Ben oui, ben c'est ça. Puis c'est ça. Fait que c'est à la Maison de la Culture. Les billets, c'est pas cher étudiant, c'est 15$. Possible. Fait que c'est ça. Ben hey, allez-y. Yeah. Alors, c'est tout. En rafale, voilà. Superbe. Merci, Alexandra Carignan. Ça me fait plaisir. On va se quitter avec du Clopelgag. Oui. Mais pas maintenant, parce que je dois faire la conclusion de l'émission pour se quitter avec ça, parce qu'on manque de temps. Donc, si tu me le permets, je vais juste clore et ensuite revenir à ta chanson. Ça te va, ça? Oui, ça me va très bien. Donc, on termine l'émission d'aujourd'hui d'Assemblage Requis. On remercie Jean-Samuel Gay. Oui, là, je m'en allais faire une joke de piscine, parce qu'on va clore l'émission. On va clore. Le pH est très élevé en studio. Oui. Pour sa chronique PRNDS, Jean-Samuel Gay. Ensuite, Marie-Laurence Audet. Oui, pour sa chronique Le temps de. Le loisir, bien plus qu'une. J'allais dire Le temps d'une culture. C'est ça, je suis tout mêlé. Et Alexandre Carignan pour Le temps d'une culture. Oui, ça. Élise Laurence Poseguier aussi, qui est venue nous parler de Le camp Mauricie. En effet, demain, l'émission Justine Renaud va être de retour pour faire tourner un disque qui l'a marqué dans Justine aux platines. On va aussi acheter des choses pour réduire peut-être notre qualité de vie, parce que d'habitude, c'est rare qu'on l'augmente avec les gadgets de 5 ça ne devrait pas, on l'a. C'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à 7h30. C'est Stéphanie Paradis qui va co-animer mercredi et jeudi comme toujours. Donc, bonne fin de semaine à toi. Ah oui, c'est vrai, on est mardi. Ça fait bizarre de dire ça de même. Oui. Bon. Si seulement c'était vrai. Si seulement c'est la fin de semaine. Pour de vrai. Ouais. Deux jours de travail, cinq jours de congé. Ça, c'est la vie. La vie est belle. Restez sur nos ondes. Tantôt, évidemment, Dîner de con avec Danny Janvier s'en vient à 11h. En après-midi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Mais dans quelques minutes, dans moins de 20, ce sera Les Malhonnêtes, l'émission d'affaires publiques. Comme je sais, on se quitte avec Claude Pelgag. La pièce s'appelle Les Corbeaux. C'est pour notre cher Alexandra Carignan qui joue si bien, qui est si bonne en impro. Allez la voir, puis elle est radieuse comme tout le temps. T'sais. Oh, t'es bien fait. C'est vrai, pareil. À demain. Elle joue plus. Comment? Elle joue plus. Non, je sais, mais allez la voir pareil. Caroline. Hey, rabat-joie. Je sais bien qu'elle joue plus. Je clore l'émission. Oui. Le pH de Jean-Philippe. Oui. Est surélevé. Offre-moi l'écume de ces jours au port où les bateaux fument tes cendres au départ. J'ai pris la pilule, celle qui fait dormir. Changer ma cellule en un point de mire d'où je vois les monstres lentement mourir. Revenir au monde. Les entends-tu dire? La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel, et l'archipel, et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Je m'oublie, mange mon cœur et prie pour que toutes les abeilles sentent mon sang qui gèle. Change ma mort en miel. Moi, j'ai cherché le confort des années-lumière. J'ai regardé la vie des autres, mais à l'envers. Et j'ai trouvé la pluie dans le désert. Me La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel, et l'archipel.